Le Comité national nigérien d'études du kimsunisme Kim Jong-ilisme a inséré sur l'Internet l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un. Conclusion donnée à la session plénière de mars 2013 du Comité central du Parti du Travail de Corée, à l'occasion des 5 ans de sa promotion au poste de commandant suprême de l'Armée populaire de Corée.